C'est l'heure de François Morel à Chambéry. François, c'est à vous. Merci. Ta ta ta ti ta ta ta ta ta ta ta ta ta ti ta ta ta ta. Parfois, on entend une musique le matin, une chanson populaire, un vieux succès, un air connu. Celui-là, par exemple. Et toute la journée, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'avoir en tête. Vous conduisez votre voiture, vous brossez les dents, vous prenez une douche, vous montez l'escalier, vous prenez l'ascenseur, vous allez à la machine à café, tout le temps, vous avez cet air en tête. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le fredonner, de le siffloter, de le chantonner. Devant la machine, votre collègue vous demande « Tu ne connaîtrais pas d'autres airs que le boléro de Ravel ?» Vous dites « C'est vrai, je l'ai en tête depuis 9h ce matin, c'est à cause de Morel, tu ne l'as pas écouté sur France Inter ?»« Oh, sûrement pas, c'est un ramassis de bobos. » Gauchiste, répond Jean-Claude, votre collègue droitier, tu me feras jamais écouter France Inter. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec toi, remarque Bernard, le collègue insoumis qui arrive à la machine et qui n'a entendu que la dernière phrase. France Inter, c'est rien que des sociaux traîtres, valets du capitalisme et du pouvoir en place. Moi, en même temps, dit Josiane, je trouve que ça reste une bonne radio et puis Patrick Cohen, ça reste un beau journaliste, même si parfois il a la dent dure. Josiane énerve tout le monde, elle est macroniste de la première heure et ne met pas forcément ses fiche à jour très régulièrement. N'empêche que toute la journée, comme Jean-Claude, Bernard, Josiane, vous ne pourrez pas vous empêcher de siffloter cet air. Même le stagiaire, qui d'habitude ne s'intéresse pas trop à la musique de vieux, va demander « C'est qui déjà qui a écrit le boléro de Ravel ?» Je cherche sur Wikipédia, du coup, je ne suis pas musicologue. Ce qu'on écoute, ça, c'est la version symphonique du temps où on pouvait se payer tout un orchestre. Aujourd'hui, partant de disette, on peut se rabattre sur des versions simplifiées à la guitare. À la trompette, à la flûte ténor, à l'harmonica. Si j'évoque le boléro, c'est pas vous vous en doutez par hasard, c'est qu'il est dans l'actualité. Le boléro, interprété récemment à l'occasion du centenaire de l'armistice, est tombé dans le domaine public depuis le 1er mai 2016. Hier, on a fêté les 90 ans de sa création. Des ayants droit font tout pour récupérer les droits. Les héritiers d'Alexandre Nikolaïevitch Benoît, qui n'était pas tellement musicien, mais décorateur, mais qui a l'avantage de n'être mort qu'en 1960, ce qui permettrait de repousser l'entrée dans le domaine public jusqu'en 2039. Si on pouvait dire qu'il était aussi un petit peu co-auteur du boléro, ça arrangerait bien Evelyne et Jean-Manuel, héritiers de Ravel, installés en Suisse et qui ont un lien très direct avec le compositeur, vu qu'Evelyne est la fille de l'épouse en seconde noce de l'ex-mari de la masseuse du frère de Ravel. Je pense quand même que le mieux, ce serait de leur faire comprendre que ce serait pas si grave de ne plus toucher ses droits pour quelques années supplémentaires. Il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie que de toucher des droits, même si bien sûr on les mérite en tant que fille de l'épouse en seconde noce de l'ex-mari de la masseuse du frère de Ravel. Par exemple, il pourrait se mettre à travailler le boléro à l'accordéon. Le musicien qui le joue et a diffusé son interprétation sur YouTube précise que c'est joué d'oreille. Merci François Morel. Ouais, hein. On l'a pour, on l'a, je pense même pour un petit mois dans l'oreille. Pour le week-end peut-être. Oui, super. Il va être parfait. On a la bande son du week-end.